À tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile Opus sur l'antenne du 94 MHz. L'Asile Opus sur fidèle au poste et hyper ravi de vous retrouver donc pour un nouveau programme de variété de traverse, émission également écoutable. Peut-être est-ce votre cas à partir du blog asile35.blogspot.fr, émission qui est podcastable en suivant les liens sur le site susmentionné avec toutes les playlists et aussi des vidéos et les présentations des sélections hebdomadaires. Et on va attaquer avec une réédition. C'est vrai que c'est le temps des rééditions en ce moment. Et certaines nous permettent de découvrir des groupes qu'on avait manqués. Et c'est le cas pour cette formation No Wave Free Rock italienne qui avait sévi entre le début des années 90 et le milieu des années 2000 sous le nom totalement imprononçable de BZBZUEU, une formation dans laquelle s'illustrait le fameux batteur et à l'époque saxophoniste, batteur actuellement dans l'Enfance Rouge, mais pas que, monsieur Jacopo Andreini avait sévi dans cette formation qui s'était fendue d'un CDR, d'un split en compagnie de God Is My Copilot et un album long aussi au début des années 2000, et il y a des bandes donc qui ressortent grâce au bon soin du label Musique à la Coque qui réédite Tapes and Vinyls, tout ce qu'ils avaient sorti, les Bzz Bzz Oi. Voilà, donc ça sort en CD sur cet excellent label italien également Musique à la Coque qui nous avait permis notamment de réentendre le Tank of Dancing. C'était l'an dernier, je crois, ce CD de cette formation tout aussi free rock matinée de No Wave allemande. Et il y avait aussi eu la réédition de New Creative Methods, qui était le groupe de monsieur Pascal Comelad. Donc un programme assez éclectique pour ce Musique à la Coque. Voilà, et on va écouter donc deux extraits de cette réédition. Et on commence par le split en compagnie de God Is My Copilot, le titre Porta Nuova de Bzz Bzz Oi. You can't stop me by just saying no. And it's not right at the beginning. The tone of your voice, be it high or low, your expression severe. His nature's the drive and the spur. It's exciting, the tough guy talk. Chances are he will go for the lamp with quite extraordinary goal. That's the program to stare and to mute, refuse all directions and balk. To see how much you'll holler and champ, it's a bluff you really must call. Séquence funky pour se mettre en jambe dans l'asile le plus sûr, qui a démarré avec le combo italien qui renaît de ses cendres, Bzz Bzz Ayou, avec ce CD réédité par l'excellent label De Barry, non pas De Paris, musique à la coque, qui réédite donc un peu les frasques de la première formation de monsieur Jacobo Andreini à l'époque où il jouait du saxophone et de manière assez assez véhémente, je dois dire. Et tout ça dans un registre bon, entre, on va dire, Étrons Fous, Le Loup Blanc, les Lounge Lizards, également, ça faisait pas mal penser à du Massacre aussi, cette formation assez incroyable qui nous est complètement passée à côté. C'est vraiment une très bonne chose que ça ressorte d'outre-tombe, cette formation BZBZUEU, une sorte de jazz core à la mode italienne. Voilà, donc excellent projet qui est réédité en CD, et c'était enchaîné avec The Red Crayola. Voilà, je savais que je devais vous dire autre chose également, pour vous signaler aussi que sur Wallace, qui est un peu le vaisseau amiral de toute la noise italienne, sort, ou plus exactement ressort, l'un des autres projets de monsieur Jacopo Andreini sous le nom de Square Cicatrici, avec l'album Sardinista, qui est un live d'il y a quelques années. Je crois que c'est une formation du début des années 2010 de monsieur Andreini, qui officie là encore au sax, à la guitare et à la voix. Donc un live en Sardaigne, comme de juste, par Square Cicatrici. On va continuer, on a continué plus exactement avec The Red Crayola, la formation de Mayo Thompson, qui elle aussi n'arrête pas de renaître de ses cendres depuis le milieu des années 60, quand elle avait émergé au Texas, plutôt dans un registre psychédélique et noise impro avant l'heure. Et puis il y a eu pas mal d'incarnations de Red Crayola. La première formation portait un C, comme les crayons du même nom, et donc ils ont dû se débaptiser en Crayola avec un K. Pas mal d'aventures diverses et variées que je ne vais pas évidemment vous narrer toutes ici même. Et Mayo Thompson, qui est un musicien, guitariste et chanteur, qui a des influences très très diverses dans le rock et dans la pop. Il a d'ailleurs aussi produit quantité de groupes lorsqu'il s'était établi en Angleterre à la fin des années 70, début des années 80, et notamment pour l'excellent label Rough Trade. Il avait produit notamment The Fall, les Raincoats, Calbre Volter, Tiff Little Fingers. Voilà donc pour les plus connus. Et donc à cette époque aussi en Angleterre, il avait commencé à produire une sorte de avant-punk avec un côté un peu bancal et un peu dada sur les bords. Et ce qu'on entendait, c'est une galette qui n'est pas sortie à l'époque, et donc qui elle aussi renaît de ses cendres sous le titre Baby and Child Care sur le label Track City, qui réédite quasiment tout, et aussi les derniers albums de ces dernières années de Red Crayola. Et donc c'est une musique plutôt funkisante, comme vous avez pu vous en rendre compte, assez dans l'époque, avec les vocaux assez langoureux de monsieur Mayo Thompson. C'est plutôt pas mal, rien de très très exceptionnel sous le soleil, mais quand on s'intéresse à Red Crayola, une archive de cette qualité, vu que c'est très très bien enregistré, ne se boude pas. Voilà, on va continuer avec un groupe qu'on vous a pas mal passé ces derniers mois et aussi années. Il s'agit de Cloud Becomes Your Hand, la formation de Brooklyn, qui vient de ressortir un nouvel album. C'est le deuxième officiel, sous le titre Rest in Fleas. Le précédent était sorti il y a de ça tout juste deux ans et demi. C'était sorti à l'époque chez Feeding Tube Records, et celui-ci sort chez Northern Spy. Ça sort à la fin de ce mois de mai, et la musique est toujours aussi excellente, une sorte de mélange de rock un peu post-Canterbury, post-rock in opposition, on ne sait pas trop comment appeler ça. Il y a un petit côté aussi Syd Barrettien sur les bords. On va écouter le titre qui a donné son nom à l'album, Rest in Fleas, par Cloud Becomes Your Hand. My teeth are eyebrows and my head is an apple. train and I run into the flames on a boat. I am my own pet goat, and I live all alone with a plastic jawbone and electric grass hopping down the street to a parabolic beat. I'm soaking my beans in the going stream, living in a dream, trying not to be mean. ça caille. Hein. Il s'agit avant tout d'expliquer l'action. Thank you. Dans la scène le plus sûr, une grosse tambouille dans laquelle il y avait trop, mais alors vraiment trop de claviers. Trois disques enchaînés à suivre. Tout d'abord le Cloud de Become Your Hand, le combo de Brooklyn. Jeune combo très intéressant dans son approche de la pop musique avec un côté assez décalé et de traverse. Qui me réjouit tout particulièrement et depuis leur tout premier album officiel qui était sorti il y a de ça 2 ans. Celui-ci s'intitule Rest in Fleas. Voilà donc pour Cloud Becomes Your Hand, qu'on appelle souvent sous l'acronyme de CBYH, voilà pour faire plus simple. Et c'était enchaîné avec la musique de monsieur François de Roubaix, le compositeur de musique de films bien connu, notamment de la Skumoun, du vieux fusil, de l'homme orchestre, du samouraï, aussi de derniers dîners de missiles connus. Et monsieur François de Roubaix était quelqu'un qui avait un des premiers home studios à Neuilly. Il avait installé toute sa lutherie électronique et aussi pas mal de percussions et de choses en tout genre. Et il faisait l'homme orchestre à lui tout seul dans son appartement. Et pas mal de bandes sont sorties ces dernières années de ces différentes frasques de cette époque, notamment sur l'excellent label Weme Records, qui s'était déjà fendu d'une séance d'électroacoustique sous le titre L'Antarctique et autres séances électroniques de la rue de Courcelles. Il y avait aussi des musiques de court métrage et ils viennent tout juste de remettre le couvert avec une musique de série télévisée assez célèbre, je dois dire, la fameuse musique qui servait de générique, plutôt de générique de la première saison du Commissaire Moulin. Voilà donc le Commissaire Moulin et autres scènes de crime qui sort en vinyle et aussi en CD avec pas mal de titres, qui n'avaient pas forcément été entendus jusqu'ici. On a entendu la musique du générique de la fin et puis il y a pas mal de bidouilleries électroniques pour des ambiances suspense qui font peur. Et c'est vrai que ça me faisait bien peur, la musique de François de Roubaix à l'époque. Je ne savais pas non plus, j'étais un petit peu jeune, que c'était lui qui avait fait chapeau sur son VCS3. Et donc avant de voir la trombine de Yves Régnier, on avait le droit à une musique de générique particulièrement apocalyptique jouée par François de Roubaix dans son studio de la rue de Courcelles. Et la plupart des pièces sont plutôt intéressantes, notamment le deuxième qu'on avait entendu sous le titre Aquarium rythmique. Et on a terminé avec, ou plutôt on continue d'ailleurs, ça continue de défiler derrière moi, avec une bande sonore là encore plutôt inédite de messieurs Birger et Gorger, les deux membres qui ont créé un drame musical instantané, Jean-Jacques Birger et François Gorger, deux claviéristes, guitaristes, bidouilleurs de talent, qui avaient donc fait une formation qui est devenue assez célèbre à partir de la deuxième moitié des années 70 et bon, jusqu'aux années 90, un peu moins active aussi à partir des années 2000. Et à l'époque, ils s'étaient fendus aussi d'un disque vinylique qui marquait un peu leur début sous le nom de Chiroc Défense 2, qui vient tout juste d'être réédité d'ailleurs en vinyle. Ça avait été réédité en CD notamment par Mio Recordings. Et en marge de cette réédition de Défense 2, Birger et Gorger avant tout, un très beau vinyle publié par l'excellent label Souffle Continu de la boutique parisienne du même nom, avec donc en fond sonore Le Beau les Meubles, une pièce très très longue d'improvisation free sur différents instruments à cordes et à boutons. Voilà donc pour messieurs Birger et Gorger, ce qui marque un peu la série des disques printaniers de l'excellent label Souffle Continu, qui s'est fendu également d'une réédition de Patrick Gauthier Bébé Godzilla, le fameux disque de la fin des années 70 du claviériste de Magma et autres Eldon, ainsi qu'un 45 tours tout aussi ébouriffant de Anne-Marie Coffinet, qui était une production du label Futura Records. Voilà, on va couper les bouibouis assez rocambolesques qui couvrent ma voix, et on va continuer avec tout autre chose et une musique nettement plus goth cette fois-ci, qui marque la rencontre, non pas la rencontre puisque ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'ils vivent ensemble, Daniel des Picciotto et Alexander Acke, mari et femme, le fameux Alexander Acke de Neubauten et sa compagne, l'américaine qui vit à Berlin depuis la fin des années 80 et qui a fait beaucoup de choses, qui a participé à quantité de projets. Elle est aussi poétesse à ses heures perdues, artiste multimédia. Et tous les deux, ils ont une carrière depuis 3, 4, 5 années avec des disques en duo. Celui-ci s'intitule Perseverancia et c'est sorti sur le label qui illustre la musique de Einstürzen de Neubauten, le label Potomac. Je propose de continuer avec un extrait de ce disque Perseverancia de Alexander Acke et Daniele De Picciotto. Thank you. 1930s, the way the populist movement did in the 1890s, and the labor movement then, finally defeated, but not without a lot of victories. First you have to educate, then you have to, which includes educating yourself, and then you have to try to organize, get people mobilized to do something, and then carry out actions of the kind that threaten power and require a response, like, say, CIO sit-down strikes. And there are plenty of other things you can do. So, for example, some things are going on kind of quietly in the country, which have potentially a kind of, you know, even revolutionary implications. The growth and development of cooperatives and worker-owned enterprises, for example. It's not on a huge scale, but it's on a significant scale and spreading. And those are what could be germs of a new society, a very different society, undermining capitalist social and economic relations. Well, all of those, on all sorts of fronts, there are things that can be done. And sometimes they're successful. So there's no shortage of things to do. The kinds of tasks that have always been in front of people who wanted to make a better world. Not easy ones, but they're not impossible either. There's successes in the past that we can build. L'asile plus sur une séquence totalement en apnée, voilà ce que François de Roubaix n'a pas su faire malheureusement en 1975. Et on a entendu tout d'abord le duo entre Daniele De Picciotto et Alexander Hacke avec l'album Perseverancia, sorti chez Potomac. Daniele De Picciotto, qui est quelqu'un d'assez singulier, puisque c'était aussi l'une des deux personnes qui est à l'origine de la Love Parade, voilà, à la fin des années 80 à Berlin, celle qui est à l'initiative de cette manifestation. Elle a aussi chanté pour le groupe The Out, aux côtés de Anita Leight, de Nick Cave, de Kid Congo Powers, et bien évidemment elle collabore régulièrement aux côtés de son compagnon Alexander Hacke de Ansturzende Neubotten, un album même plutôt pas mal. Là, c'était une séquence qui faisait un peu, je sais pas, on va dire, chevaucher des Valkyries. Le titre qu'on entendait, il y a des ambiances un peu plus brumeuses avec le chant de gorge aussi de Alexander Hacke et puis des instrumentariums plutôt assez étonnants. Elle joue de la harpe et puis aussi de la guitare et de l'électronique. Donc tous les deux se fendent d'une galette plutôt pas mal sous le titre Perseverancia, qui était enchaîné avec Oiseau Tempête, les fameux Oiseaux Tempête, donc la formation mi-hexagonale de monsieur Frédéric D. Oberland et Stéphane Pignol, en compagnie de tous leurs acolytes, notamment Gareth Davids à la clarinette basse, Ben McConnell à la batterie. Et là, il s'agit d'un florilège de pièces inédites et de raretés entre 2012 et 2015, sorties comme de juste chez Sub Rosa, comme les trois précédents opus, les trois albums officiels, l'album éponyme, l'album Reworks et le Utopia qui était sorti l'an dernier. Alors un peu tout ce qui a fait le succès de Oiseau Tempête se retrouve sur ce Unworks and Rarities, sorte d'ambiance post-rock cotonneuse avec pas mal de participants, bien évidemment JW Sock sur un des morceaux, non pas celui qu'on entendait, qui s'intitulait No Gold, No Master. Voilà pour Oiseau Tempête. On va continuer avec un duo suisse qui lui existe depuis une bonne quinzaine d'années sous le nom de Strom. Il réunit deux musiciens que je n'ai pas beaucoup pratiqués et c'est bien dommage. Le joueur de synthé électronique Godens Dadroot et le clarinettiste basse et électroacousticien Christian Müller. Tous les deux, ils ont sorti assez peu de disques au final, des choses sur Unit notamment. Et ils sont surtout connus pour leurs différentes collaborations, les gens de Strom, notamment Godens Dadroot, qui collabore régulièrement aux côtés d'un peu tout ce qui bouge dans la scène jazz impro européenne, nouvelle mouture, notamment Hans Koch, Jonas Kocher, des gens un peu comme cela. Voilà, l'album est vraiment très réussi, il s'intitule X. Ça me donne envie d'écouter les précédents et ça sort sur l'excellente étiquette russe Microton Recordings. On écoute la pièce qui démarre ce disque de Strom, X.

Alors, comment on pourrait appeler cette musique de l'ambiante electronica, de l'impro électroacoustique, comme vous préférez, à vrai dire. On a démarré avec Strom et un extrait de leur album sous le titre assez énigmatique de X, qui dépeint assez bien la musique de ces deux Suisses qui pratiquent une sorte de musique en live processing FX, avec parfois aussi de la clarinette processé de manière électronique. Voilà donc pour messieurs Badrout et Muller, extrait de ce disque produit par l'excellent label Microtone Recordings, qui n'est pas avare en musique de cet acabit. Et c'était enchaîné avec la musique de We Will Fail, qui est le projet de l'électro-acousticienne, on ne sait plus comment les appeler, à vrai dire, Alexandra Grunholz, là plutôt entre Hautecoeur et autres Panasonic, pour cette musique qu'on avait beaucoup aimé, son précédent album qui s'intitulait Versturung, les deux sortis d'ailleurs sur l'excellente marque polonaise Monotype Records. Voilà pour cette artiste basée à Varsovie, Alexandra Grunholz, et ce projet We Will Fail. L'album s'intitule Hand That Heals, Hand That Bites. Voilà donc pour ce nouveau CD sous étiquette Monotype Records. On va enchaîner avec une formation turque que je vous ai beaucoup passé ces derniers mois dans ce même programme. Il s'agit de Construct, bien évidemment, qui sont de retour avec une bande enregistrée live au Café Auto au mois d'août 2015, donc au fameux café de Londres, en compagnie du pianiste Alexander Hawkins, qui est quelqu'un qu'on connaît surtout comme membre de l'excellent trio Decoy, aux côtés de John Edwards et Steve Noble. Alors, il n'est pas avare lui non plus en rencontres inédites, à l'image donc de ce live en compagnie des Construct au grand complet, Umut Saglar avec sa guitare électrique, ses claviers fous, sa flûte modifiée et autres drum machines, le saxophoniste, multisaxophoniste Koran Futachi, le bassiste Barlastan Ozemek et le batteur et aussi batterie électronique Berk Kan Osan. Alors un disque qui n'existe encore que sur support virtuel, un fichier, voilà, sur le label Auto Roku, le propre label du Café Auto, qui s'est fendu donc d'une édition digitale pour le moment de ce live entre Construct et Alexander Hawkins, mais ils vont corriger cela d'ici la rentrée prochaine avec un double vinyle en préparation, double puisque les deux sessions font deux sets d'une quarantaine de minutes, et je propose d'écouter un extrait de la ça et donc du premier set de ce live entre Alexander Hawkins et Construct. Thank you. le combo Stambouliot, le plus psychédélique du free jazz, en compagnie de Alexander Hawkins, les Constructs, bon, toujours très friand de rencontres musicales en compagnie bon, un peu de vétérans des musiques impro et free jazz. Je pense notamment à toutes leurs rencontres aux côtés de Marshall Allen, Peter Brossman, Evan Parker, Joey McPhee et autres, Akira Sakata, William Parker encore pour en citer un autre, avec une discographie assez chargée, à peu près 5 à 6 albums par an. Et cette pièce qu'on entend derrière moi va sortir en double vinyle sur l'étiquette labellistique du café Impro Free londonien Otto, le label Otto Roku. Donc cette session improvisée du 10 août 2015, qui est assez différente des précédentes galettes de Construct, d'ailleurs, je dois dire, un petit peu moins dans les effets psychédéliques, un peu plus dans l'esprit club jazz européen. Voilà donc pour les Constructs en compagnie de Alexander Hawkins. À pas tarder à rendre l'antenne, le temps de vous rappeler que vous pouvez retrouver une soirée concert ce week-end organisée par notre camarade Vic & Show et son échelle de Jacob à la Mi-Mobile à Rennes, du côté de Les Laboratoires, avec sa Rhapsodie en juin, dans laquelle vous pourrez entendre ce vendredi 3 juin à partir de 19h les formations Rude Garden, Bertrand Fraisse et Sobre Violence. Plus d'informations sur cette soirée, par exemple, en réécoutant la bande que nous avions enregistrée en sa compagnie il y a de ça 15 jours, disponible à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr, comme toutes les émissions depuis 3 ans désormais, donc plus d'une centaine d'émissions podcastables avec les playlists aussi à consulter sur le blog et des écoutes en streaming ou en téléchargement selon vos souhaits. Voilà, on va se quitter avec un dernier disque et la rencontre d'un camarade de Alexander Hawkins, le batteur Steve Noble, bon, qui lui aussi produit quantité de choses depuis une bonne 35-40 ans du côté de Londres. Il a fait partie de Rip Rig & Panic entre autres et de quantité de projets d'impro free, et là il est en compagnie pour ce duo de monsieur Stéphane O'Malley, l'américain de Seattle et de la formation Sun, pour ne citer que celle-ci également, avec le duo Saint Francis duo. L'album s'intitule Peacemaker Assembly. Il a été enregistré live dans une église, je crois, aux États-Unis. Oui, c'était à Philadelphie le 19 mai 2014, très exactement. Et c'est une galette qui est sortie en vinyle et en CD sur étiquette autrichienne Trust Records. On écoute un extrait de cette rencontre entre messieurs Stephen O'Malley et Steve Noble. Et à noter que la pochette de couverture est signée de Peter Brossman. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Thank you.